un peu les filles. Allez, ouais, ah. Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme est aimée dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. Salut, c'est Eric, bienvenue dans l'émission Johnny de A à Z, ici sur RIG 90.7 de la bande FM et sur le net rigfm.fr. Bienvenue dans cette émission Johnny de A à Z, la 566e émission. Dans cette émission, vous allez écouter de tout, des années 60, des années 70, des années 80, 90, 2000 et 2010. Mais surtout, je vais vous présenter un album de la semaine, qui est l'album Les Bras en Croix. Et cet album, lui, est sorti le 23 avril 1960. Troisième album studio Philips, Les Bras en Croix va déclencher un sacré vent de panique à sa sortie chez les Teenagers. Oui, c'est le quatrième disque à sortir depuis le début de l'année 63. Après le Super 45 Tours, La Bagarre, Paris au mois de janvier, le Super Tes Tendres Années sorti le 1er mars et le 25 cm L'Idole des Jeunes, mis en vente début avril, La Bagarre c'était déjà terrible, deux titres fous, torturés, possédés, on avait été contraint de faire l'impasse. Ça je parle au nom des Teenagers. Tes tendres années s'étaient révélées possibles. Maman voulait bien mettre la main au portefeuille dans la mesure où ton Johnny s'est enfin arrêté de hurler. Oublions le 25 cm, trop beau mais trop coûteux et qui n'avait rien de nouveau à offrir. Mais là, avec Les Bras en Croix, c'est l'alerte maximum. Le disque apparaît dans les bacs, il faut bien dire qu'il est magnifique. Il contient le 45 tours Tes tendres années, pas de problème, hein, c'est la loi du genre, on compile. Il contient le 45 tours Les Bras en Croix, rien de choquant, il agrège les derniers titres parus, c'est l'habitude. Mais il offre aussi pas moins de 4 titres inédits. Et là, chez le petit teenager, c'est le coup en traître dont il ne se remettra pas. Comment convaincre papa, même associé à grand-mère, à marraine et à tante Geneviève, de réunir les quelques 24 ou 26 francs nécessaires, une fortune, à l'acquisition de cet objet de convoitise. Le petit rocker est tellement dépité qu'il ne se pose pas la question car il connaît la réponse. Tu rêves. Et oui, il rêve. Ou plus exactement, il cauchemarde. Quelle mouche a piqué son idole de lui faire un coup de Trafalgar pareil? Le nez écrasé sur la vitrine du marchand de disques, le mioche s'explose les yeux à essayer de comprendre ce que c'est que ces quatre titres tombés du ciel. Et ces quatre titres étaient Chance, Taxaison, Parce que j'ai vu Linda et Quand ce jour viendra. Mais c'est avec ce titre, Quand un air vous possède, qu'on va débuter cette émission Johnny de A à Z avec l'album de la semaine Les Bras en Croix. Bonne soirée et bonne écoute à tous. Je ne peux oublier cet air qui m'enchaîne. Il n'a jamais de fin. Il vient marteler toujours ma peine. Je sais, je n'y peux rien. Un air vous possède, vous ne pouvez l'arrêter. S'il vient parler d'amour, quand votre cœur est lourd, il ne sert à rien de pleurer. Quand un air vous possède, il faut chanter avec lui. Chantez à vos amours qui renaîtront un jour. Vous aimerez sa mélodie.

chaque jour. Ah oui, tout le mot, l'amour. Tel on peut se dire et redire chacun à son tour. Allez-moi, oui. Allez-moi, oui. Allez-moi, oui. Allez-moi, oui. Oui. Johnny et les années 80. Oh! Ah! Quel métier fatigant! Le cœur fermé, John Hallyday 1981, un titre composé par Mort Schumann et écrit par Michel Mallory. Michel Mallory qui sera bientôt sur l'antenne de RIG. Oui, oui, oui. À l'occasion donc de l'émission spéciale Johnny 72, album Country Folk Rock. Et début mars, je vous l'annonce, je devrais avoir Michel Mallory en interview. Ça sera intégré à cette émission. Voilà, voilà. On revient à l'album de la semaine. Et là, nous sommes dans l'année 1963. On va écouter d'ici quelques secondes le titre Chance. Et juste avant, on va retrouver John Hallyday dans un passage de télévision qui s'intitulait Monsieur Tout le Monde, diffusé sur la RTF. John Hallyday, invité de retour de Londres, s'entretient avec Maurice Chevalier. C'était le 21 mars 1963 et Maurice Chevalier va lui donner quelques conseils à Johnny. Maurice, à 55 ans plus que vous, regardez-le, il est à 1000 km de distance. Demandez-lui donc un conseil. Eh bien, Monsieur Chevalier, j'aimerais vous demander le truc pour marcher jusqu'à 75 ans. c'est difficile à répondre, ça. Mais enfin, je vais vous répondre comme si vous étiez mon petit-fils, hein, ou mon fils, parce que je pourrais être votre grand-père, dans le fond. Hein. Et pour que ce soit plus facile, alors, je vais te tutoyer, parce que nous comprenons, il y a tellement, comme il n'y a jamais que 55 ans entre nous deux, alors je vais te tutoyer, ce sera plus facile. Si j'avais un petit-fils ou un jeune frère ou un fils ou un petit pote que j'ai à la bonne comme toi, je lui dirais, s'il était ce que tu es, je lui dirais, tu es déjà doué du rythme. Tu as là une arme qui, à mon avis, si j'étais toi, j'exploiterais tout le reste de ma vie, mais pas simplement ça, parce que si tu n'as que le rythme, tu ne pourras pas complètement aller jusqu'à 75 berges, tu comprends? Parce qu'à 75 berges, il n'y a que le rythme, on est foutu, tu comprends? Non. Il faut que tu arrives à consolider tout ce qu'il faut apprendre autour du rythme. Il faut que tu arrives à te compléter. Il faut que tu apprennes à pouvoir chanter une chanson très simplement, très tranquillement et toucher le cœur des gens. Il faut que tu apprennes à pouvoir improviser une blague et que ce soit une blague qui ait l'esprit de gouaille du faubourg, enfin, c'est-à-dire qui amène un éclat de rire immédiat. Il faut que tu chopes la spontanéité, c'est aussi nécessaire. Et puis entre dire un monologue, raconter une histoire, mais faire rire, intéresser les gens et aussi les prendre au cœur de temps en temps, ça, ajouté à ton rythme, à mon avis, pourront faire de toi quelqu'un qui on peut pas te dire évidemment qu'il ira jusqu'à 75 ans avec ça, mais il faut d'abord que tu deviennes le champion officiel, tu comprends? Eh bien, je peux te dire que je te souhaite de tout mon cœur d'atteindre les 75 ans et d'encore être un as. Et puis, si c'est vrai que tu es encore un as à 75 ans, eh bien, de là-haut, je te crierai bravo, Johnny. Tu m'excuses si je t'ai dit tu comme ça, mais à partir de maintenant, on va commencer à devenir deux vedettes qui se parlent. Vous savez, je suis très charmé de vous connaître, monsieur Johnny. Merci, monsieur Chevalier. Je pense qu'il a pu féliciter même avant 6 mois. Johnny est disparu à 74 ans. Je crois bien qu'il me reste une chance. Et je voudrais, pour une fois, la garder. Ne va pas cacher cet amour inespéré hier. Une chance, pour une fois que j'ai de la chance. J'avais bien peur de ne plus croire au bonheur, mais il faut croire à l'amour du fond du cœur. Hier, il y avait par le monde une inconnue, et en deux secondes j'ai su qu'avec elle je tenais ma chance. Depuis longtemps j'attendais ma chance. Elle est venue à quand je croyais tout perdu. Je veux garder cet amour inattendu hier. Il y a cas pour moi. Et ma folle ronde est terminée, car j'ai trouvé ma chance. Je vois bien qu'il me reste une chance. Et je voudrais, ouais, pour une fois la garder, ne pas gâcher cet amour inespéré hier. Yeah. Ouais, chance, j'ai ma chance, ma vraie chance. Johnny et les années 90. Il y a une expression américaine en anglais qui dit « rock and roll is dead », ce qui veut dire « le rock and roll est mort ». Mais c'est pas vrai. Le rock and roll n'est pas mort pour ceux qui sont rock et qui ne sont pas morts. Johnny et les années 60. Rock'n'roll. Death Thong, la chanson morbide est un genre en soi. Et cet air créé par Chase Webster, alias Gary Bruce, en 1961, fut repris avec succès la même année par Pat Bone, puis interprété par Johnny Burnett, Johnny River et tant d'autres. Et cette chanson est extraite du maxi 45 tours Johnny, lui de adieu, cette date de 1965. À présent, revenons, ça faisait longtemps ça, les versions originales des adaptations par Johnny. On va parler du titre qui figure également sur l'album de la semaine, Quitte-moi doucement, ou autrement dit Break It To Me Gently, chanté par Brenda Lee. Et c'est un slow imparable qui, pour dans la version de Johnny, a été enregistré dans le même studio de Nashville avec les mêmes musiciens que l'original de Brenda Lee, à qui Johnny devait déjà Ce serait bien, qu'on va écouter aussi ce soir. Mais c'est la version de Brenda Lee qu'on va écouter tout de suite sur l'antenne de Rigé dans l'émission Johnny de A à Z. Dansez, dansez maintenant. To me gently, let me down the easy way. Make me feel that you still love me. If it's just for one more day. To me gently, so my tears won't fall too fast. If you must go, then go slowly. Let me love you till the last. The love we share for oh so long is such a big part of me. if you must take your love away. Take it gradually. Oh, oh, break it. Break it to me gently. Give me time, or give me a little time to ease the pain. Love me just a little longer, 'cause I'll never, never love again. 'Cause I'll never love again. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Et le 22 juin 1963, c'est la fameuse Nuit de la Nation organisée par le mensuel SLC, Salut les copains, pour fêter son premier anniversaire. Premier grand rassemblement populaire, plus de 150 000 personnes envahissent la place de la Nation, déchaînant les médias contre la jeunesse. La folle Nuit de la Nation est un événement sans précédent dans l'histoire de la chanson qui consacre Johnny et Sylvie, porte-drapeau de leur génération. Voici un petit résumé de la soirée dans le journal télévisé. Fêter le premier anniversaire de... L'idée est lancée au débeauté d'un concert avec la star Johnny Hallyday. Ce sera gratuit et en plein air. Du jamais vu sous la France du général. Fierté, courage, espérance. Il y a tellement de monde ce soir-là que Johnny et Sylvie réussissent à atteindre la scène grâce à un fourgon de police. Est-ce que vous êtes des vrais copains? Est-ce que vous aimez le rock? Alors allons-y! Le lendemain, une partie de la presse se déchaîne. Trop tard, la génération yéyé vient de naître. Dans la vallée de l'Oklahoma, ton coup de fusil fait bouche toutes les fois. Mais attention, un jour tu finiras dans la poussière, les bras en croix. Tu triches au jeu et dans le pays, on te surnomme partout le maudit. Mais attention, un jour tu finiras dans la poussière, les bras en croix. Avec insolence tu défies les hommes, tu prends leurs femmes, mon Dieu, il faut voir comme à ce petit jeu tu t'amuses trop. Et tu laisseras ta peau dans la vallée de notre enfance. Tu as commis les pires offenses, mais attention, un jour tu finiras dans la poussière, les bras en croix. Avec insolence, tu défies les hommes. Tu prends leur femme, mon Dieu, il faut voir comme à ce petit jeu tu t'amuses trop. Et tu laisseras ta peau, même l'amitié pour toi n'a pas de nom. Et tu t'es joué de moi sans façon. Voilà pourquoi ce soir tu finiras dans la poussière, les bras en croix. Je t'aimais bien pourtant, mon ami. Tu as volé la femme de ma vie. Voilà pourquoi d'une balle je t'envoie dans la poussière, les bras en croix. Dans la poussière, les bras en croix. Adieu l'ami. tant pis pour toi. La seule version officielle qu'on a de cette chanson, Les Bras en Croix, en live, est sur le live du Parc des Princes de 1993. Là, c'était Johnny à la Place de la Nation, donc le 22 juin 1963. L'album Les Bras en Croix est dans les bacs le 25 avril 1963. Il fournit les nouveautés dont Johnny a besoin pour assurer sa tournée d'été, préfacée par la folle et bruyante nuit de la Nation. Les enregistrements des chansons de ce disque s'étendent sur 2 années et sur 2 continents. Et tout ça s'interpénètre joyeusement au gré du calendrier surchargé de l'idole. Taxaisant tes tendres années, Les Bras en Croix, Quitte-moi doucement sont le fruit d'une base orchestre mise en boîte lors des périples à Nashville de février à mai 1962, les fameux voyages initiatiques, et d'une capture de la voix à Paris en janvier 1963. Poupée brisée, quand un air vous possède, quand ce jour-là viendra, Mashed Potatoes Time sont le produit des sessions programmées dans le studio Fontana de Londres avec le fameux London All Star, une formation historique emmenée par le guitariste Big Gene Sullivan. On va écouter le titre Taxaisant, extrait d'album de la semaine, Les Bras en Croix. Tes lèvres au parfum de fleurs, douce à croquer, ont la forme d'un cœur. Taxaisant, t'es jolie et rien qu'à moi. Oui, t'as des cheveux lumineux, pleins de rubans, aussi bleus que tes yeux. Taxaisant, t'es jolie et rien qu'à moi. Même éveillé, c'est curieux, je crois rêver quand tu es là. Oui, devant moi, t'es mon fétiche, mon rêve vivant, mon doux printemps. Ta peau a pris à l'été, tu ouvres ton soleil pour mieux m'enflammer. Taxaisant, t'es jolie et rien qu'à moi. Taxaisant, t'es jolie et rien qu'à moi. Taxaisant, t'es jolie et rien qu'à moi. Nous avons eu le coup de foudre, et quand ta main doucement frôle ma main, oui je m'enflamme comme de la poudre. Que c'est merveilleux d'être amoureux, de mon rêve aux mille couleurs, tu es sorti pour entrer dans mon cœur. Taxaisant, t'es jolie et rien qu'à moi. Oui, bon, d'accord, c'est rentré. Johnny et les années 70. Envoie-moi la musique. T'es encore rond comme une queue de pelle. T'es perdu, mais non, je n'ai pas parlé d'elle. T'es encore plein comme un potin, encore beurré comme un tilu. Mais non, je t'ai pas traité de coquille, je te jure, j'ai pas parlé du teint. complètement à la banque. Gardez votre casque sur les oreilles. Vous écoutez Johnny de A à Z. L'amore è solo, un c'è che l'amore è solo. Johnny Hallyday interprète en langue corse l'amour isolou avec son parolier et ami de toujours Michel Mallory. C'est lui qui l'a voulu il y a 2 ans sur son bateau amarré au port d'Île-Rousse. Alors que mon dernier album Tutta una vita passait en boucle, Johnny, qui est comme on le sait très attaché à la Corse, m'a demandé quand nous ferions un duo ensemble en Corse. Depuis, on n'en avait jamais plus parlé, mais lorsqu'il a appris que je préparais un album chez Warner, qui est également sa maison de disques, c'est lui qui m'a appelé pour me demander ce que nous allions chanter. Je me suis mis au travail pour lui faire parvenir au plus vite une maquette. Il a voulu une traduction du texte en français, puis s'est imprégné pleinement du sens de la chanson. En studio, il nous a fallu que quelques heures pour interpréter le titre. Se réjouit Michel Mallory qui, enraciné dans ses terres de Balagne, sur les hauteurs de Monticello, son village adresse un grand merci à Johnny pour cet immense cadeau fait à la Corse et à sa langue. On va retrouver tout de suite Antoine Decaune et son lycée Johnny Hallyday qui va nous parler du titre samedi soir. L'Odyssée, Johnny Hallyday. Bonjour à toutes et à tous, c'est l'Odyssée de Johnny Hallyday, je suis Antoine Decaune, votre capitaine, et je m'en vais vous causer d'un film à sketch auquel participe notre héros, sorti dans les salles en novembre 1961 et intitulé Les Parisiennes. Vous êtes prêts? Oui. C'est parti. Je l'ai connu là, en twistant le ya-ya. Comprenez-vous pourquoi je reviens toujours là? J'attends son retour en espérant nuit et jour. Les Parisiennes réunit 4 petites histoires ayant chacune pour personnage principal une femme. Les séquences s'intitulent Sophie, Françoise, Antonia et Ella. Elles sont réalisées par 4 metteurs en scène ayant alors la cote. Marc Allégret, Claude Barma, Michel Boiron et Jacques Poitrenaud. Sur la bande originale, on croise des artistes comme la chanteuse Gillian Hills en duo avec les Chaussettes Noires. Ne te traîne pas à mes pieds. C'est bien mieux comme ça. Je suis libre et veux le rester. À quoi bon insister? Pourquoi t'accrocher? Elle ne veut pas l'aimer. Le segment du film auquel Johnny participe est conçu par un copain, Roger Vadim. Les scénarios sont en effet écrits par des plumes de premier plan. Par exemple, Ella est l'œuvre de Jean-Loup Dabadie, ce qui lui vaudra d'entrer un jour à l'Académie. Si, si, c'est grâce à ça, je vous jure. Dans son histoire, Roger Vadim imagine un jeune chanteur tout seul dans sa petite chambre de Bonn, sous un toit de Paris, capitale de l'amour. Sa guitare sèche et naze. Par un hasard aussi charmant que surprenant, une jeune fille entre dans la mansarde du garçon et ce qui doit arriver... Je t'en prie, écoute, attends, je t'en prie. Va arriver. Mais attention, tu déchires ma robe. Cette pure et fragile personne a pour prénom Sophie et Catherine Deneuve lui prête sa charmante physionomie. Pouvant tourner lui-même le sketch Sophie, Roger Vadim en confie la réalisation à son ami Marc Allégret. Le jeune chanteur, en qui vous aurez tous reconnu Johnny, est finalement invité chez la demoiselle qui, et ça c'est quand même un sacré coup de chance, possède elle aussi une guitare, mais en état de marche. Du coup Johnny lui chante sa botte secrète, « Retiens la nuit !» Retiens la nuit pour nous deux, jusqu'à la fin du monde, serre. Retiens la nuit, très grand tube de l'époque, n'est pas la seule chanson de Johnny dans ce film. Il interprète aussi un rock incandescent qui exprime ce qu'on ressent quand on est toute la semaine enfermé à l'école, à l'atelier, au bureau et qu'on est vraiment impatient qu'arrive le week-end pour enfin goûter à la liberté. En toute logique, ça s'appelle Samedi soir. Si la semaine faite pour travailler, sans relever la tête de son métier, en cette une fête, la joie est là, la joie est là, à la pensée du samedi soir. Samedi soir, que l'on veut pour pouvoir être heureux samedi soir. On peut de s'aimer sans être dérangé. Le samedi soir, ouais, samedi soir, enlacé sans rien dire, délivré samedi soir. Les enfants des coins noirs sont amants samedi soir. Tu t'es permis le monde vit sa vie le samedi soir, ouais. On oublie tout, vivement qu'on s'habille et comme un fou. On va chercher sa fille et ses copains, et ses copains au rendez-vous du samedi soir. Qu'on attend en plein d'espoir, que l'on va au samedi soir. Que l'on veut pour pouvoir, ouais, être heureux samedi soir. On peut s'aimer sans être dérangé le samedi soir, ouais, samedi soir. Samedi soir, les enfants des coins noirs sont amants. Samedi soir, tout est permis, le monde vit sa vie le samedi soir. Ouais, on discute et l'on fait du prix, on s'enflamme, on s'amuse et rit et sa vie, sa chalute, sa chose. Samedi soir, ah samedi soir, que faites-vous mademoiselle samedi soir? Ah, vous twistez? Ouais, ah, le samedi soir, tout est permis, le monde vit sa vie, le samedi soir. L'Odyssée, Johnny Hallyday. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Allez, salut maintenant. Je pense que je suis un chanteur de variété, revu et corrigé par le rock'n'roll, mais je ne suis pas un chanteur de rock'n'roll pur. Johnny et les années 80. Ce qui sert un regard est toujours bleu. Pour ce qui sert une chanson, toujours pour deux. Ce qui sert. Pour ceux qui s'aiment, la colère devient silence. Ceux qui s'aiment ont les nuits, ils oublient leur défaite. C'est l'amour qui guérit. Ceux qui s'aiment, oui, chanter amour, c'est comme chanter. pour ceux qui s'aiment, extrait l'album Entre violence et violon de 1983. Revenons à l'album de la semaine et aussi à l'année 1963 d'Albor, l'album de la semaine. Nous allons écouter d'ici quelques secondes le titre Poupée brisée, qui est une incroyable musique du frère de Sylvie, Eddie Vartan. Là encore, il suffit d'entendre le chorus de guitare renversant pour détecter en cette année 1963 les racines du futur, les rocks les plus terribles. Et juste avant d'écouter ce titre, on va retrouver Johnny Hallyday dans le journal télévisé de 13h sur la RTF, Johnny qui avait fait un malaise à Roubaix le 8 avril 1963. Johnny Hallyday, hier soir, vous n'avez pas pu chanter à Roubaix, que s'est-il passé ? Oh, j'ai eu un malaise, si je puis dire. Est-ce que vous étiez très fatigué hier soir, davantage que les autres jours ? Oui, pas très fatigué, mais je ne me sentais pas très bien, et juste avant de rentrer sur scène, j'avais un peu mal à la tête. Et à ma deuxième chanson, j'ai vu la scène qui tournait autour de moi, et je préférais sortir. Et là, vous êtes tombé, là ? Oui. Et que s'est-il passé ? Après, je ne sais pas. Après, c'est M. Guerrière qui m'a ramassé, le régisseur de la tournée, parce que je ne me rappelle plus. Alors, M. Guerrière, qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, alors, il est tombé, il s'est évanoui aussitôt dans les coulisses, on s'est précipité vers lui. On a demandé un docteur dans la salle, il n'y avait pas de docteur. Le service d'ordre, les agents de police qui étaient là sont allés en chercher un en ville. Lorsque le docteur est arrivé, il a examiné Johnny. Il a surtout trouvé très fatigué. Il n'avait plus que 10 de tension. Et il venait entre-temps, avant l'arrivée du docteur, d'avoir une crise nerveuse. C'est alors qu'il a dit qu'il n'était pas possible pour Johnny de continuer la représentation. Il lui a fait une piqûre tonicardiaque pour le remonter et ensuite une piqûre pour le faire dormir. Alors, il ne se rappelle de rien, il s'est réveillé ici, c'est tout, dans la chambre d'hôtel à Lille. Oui. Cet après-midi. Bon, enfin, tout ça, ce n'est pas un drame, c'est arrivé à tout le monde d'avoir un malaise. Mais c'est la première fois que ça vous arrive ? Non, c'est la deuxième fois que ça m'est arrivé. Ça m'était arrivé il y a à peu près un an à Caen déjà. Est-ce que vous ne présumez pas de vos forces ? À votre avis ? Non, je ne crois pas. Il y a combien de temps que vous tournez ? On a commencé le 11 février. Vous avez fait combien de galas depuis le 11 février ? On en a fait 56. 56. Et vous donnez au maximum dans vos galas ? Bien sûr. Parce que des fois, ça nous arrive de faire des matinées aussi. Et vous en avez combien à faire encore ? Eh bien, je m'arrête demain. Ce soir, vous allez chanter ? Ce soir et puis demain. Et à l'instant, vous venez d'avoir un petit malaise encore. Ça va marcher pour ce soir ? Oui, Dites-moi, vous savez qu'on en a parlé ce matin dans les journaux. On a parlé du service militaire. Oui. Alors, c'est ça la raison ou c'est vraiment la fatigue ? Non, parce que le service militaire, je l'ai appris ce matin. Enfin, ce matin, c'est beaucoup dire. Je l'ai appris à 4 heures. Quand ils sont venus me réveiller cet après-midi. Donc, si je l'ai appris aujourd'hui, je ne pouvais pas que ça ne pouvait pas être la cause d'hier. De toute façon, mon service, tout le monde en fait un drame en disant que je ne veux pas le faire. Il n'y a aucune raison, je veux le faire, mon service. Je peux pas dire que je suis militariste, je peux pas dire que je suis anti-militariste. Je suis simplement, je trouve que c'est le devoir de chaque Français de le faire. Et je suis un Français. Et maintenant, vous prenez la route pour 50 ans. Oui. Merci. Une poupée oh, qui t'aimait bien oh, tu l'as brisée en la quittant, briser son cœur, as-tu jamais, oh ne l'entends-tu pas qui pleure, poupée brisée, une poupée. Jouer le grand amour tant mais si bien qu'elle pensait c'est pour toujours. Jouer avec son cœur. gâcher son grand bonheur. T'en as fait une poupée au cœur brisé. Poupée brisée à tout jamais. T'en as fait une poupée. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Un titre d'album de la semaine, Les Bras en Croix, mais chanté en 81. Quand ce jour viendra. Quand ce jour viendra, quand tu partiras. Quand ce jour viendra, quand tu me diras que vraiment tu t'en vas. Jamais je t'y croirai, car quand ce jour viendra, j'en mourrai, oui. Tu as tout abandonné, l'orange que tu t'es donné. Tu vas emporter ton amour, ton argent. J'ai peur que tu te lasses, qu'un jour ton amour passe. Simplement, j'ai une question pour vous. Vous voulez que ça continue? Oui. Eh bien alors, juste après la pub. Hallyday by Hallyday. Johnny et la publicité. Ouais, c'est sérieux. Les gens courent, les gens se battent, car le monde est fou. Ils s'agitent, ils se débattent, oui, pour quelques sous. Je veux pas rentrer dans la ronde, car il m'en faut peu. Si peu de choses en ce monde, oui, pour être heureux. Qu'on me donne une guitare, une fille et un guitar. Et puis plus rien, et puis plus rien. Qu'on me donne une guitare, une fille et un guitar. Et tout ira, et tout ira. La vie va toujours plus vite, car le monde est fou. Regardez-les qui s'agitent, oui, pour rien du tout. Je veux pas rentrer dans la danse, non, ah non, merci. Je préfère chanter en cadence, oui, pour mes amis. Qu'on me donne une guitare, une fille et un ricard. Et puis plus rien, et puis plus rien. Qu'on me donne une guitare, une fille et un ricard. Et tout ira, et tout ira. Thank you. On continue dans la promotion non pas d'une boisson alcoolisée, mais nous allons parler donc du prochain livre-disque, Country Folk Rock, le mixage de l'album de 1972. Il y aura donc un 45 tours avec le titre Joe Laville et moi, version alternative enregistrée au Morgan Studio avec B.G. Cole, et en face B, Mon Amour à Marie. Cette précommande, ce sera le 7 février, donc c'est déjà passé, sur le store, et il est déjà épuisé. Et la sortie officielle sera le 14 mars. Ce 47 tours est tirage limité et numéroté à 500 exemplaires. Donc apparemment, plus personne n'en a. Bon voilà, ça c'est fait. Et puis suivront évidemment donc le livre-disque Super Deluxe de 28 pages avec 3 CD, 1 DVD, tirage limité et numéroté à 4500 exemplaires et avec 10 versions alternatives avec la voix de Johnny. Pas de titre indie, non. Tous exhumés par Jean-Yves Billy en 93 et par Xavier Perrault en 2012. Et ça c'est sur le CD2. Il est en précommande, il sera précommande à partir du 20 février 2025 et sortira le 28 mars 2025, bien entendu, suivi aussi du double vinyle Country Folk Rock, numéroté limité à 1500 exemplaires. Il y aura 3 versions alternatives sur le deuxième 33 tours, et donc les précommandes. La précommande est toujours le 20 février 2025, tout comme aussi le simple vinyle 11 titres, tirage limité et numéroté à 2000 exemplaires. Il s'intitule Hello USA. Il y aura 7 versions alternatives sur les 11 titres présents, et donc évidemment sortira le 28 mars, tout comme aussi le picture disc de 11 disques, uniquement sur le store Johnny Hallyday, que vous retrouverez tout ça. Mais Xavier Perrault va vous en parler justement de cette sortie de Country Folk Rock, le nouveau mixage. Avec tout ce qu'on a retrouvé, en fait, on a préparé un coffret dans lequel il y aura donc l'album studio d'origine, tous les titres, les 45 tours de l'année 72, les bonus qu'on a retrouvés donc, entre Jean-Yves et moi, et puis ces versions alternatives inédites. Et enfin, le troisième CD, c'est une archive, c'est un document. On va pas le sortir séparément parce que la qualité du document est pas suffisamment bonne pour nous pour le sortir séparément. C'est le live de Nouméa de mars 72. Et en DVD, on a un DVD bonus qui est une interview d'une trentaine de minutes de Michel Mallory. Et après, j'ai deux vinyles. J'ai un premier vinyle qui reprend l'album d'origine, auquel je rajoute un deuxième composant avec un vinyle qui reprend les 45 tours de l'époque, un certain nombre de bonus, etc., et certaines versions alternatives. Et puis j'ai un deuxième vinyle qui, lui, est en fait ce que Johnny, je pense, s'il a été détaché de ses contingences matérielles et économiques, exactement, c'est l'album qu'il aurait fait, si ouais, tu veux. Donc qui s'appuie beaucoup sur le travail qu'il fait avec Mallory à ce moment-là. Ouais. Parce que leur rencontre, elle est aussi le fruit de cette affinité qu'ils ont pour les États-Unis, chacun à sa façon, de l'amitié qui naît entre les deux. Et donc, en fait, on a fait un album qui s'appelle Hello USA, qui veut bien dire ce que ça veut dire, et qui reprend donc toute une partie des séances qu'il a fait au Wally Eder Studio aux États-Unis, les chansons de Mallory, des versions donc alternatives, différentes de celles qu'il y a sur l'autre album, et qui donnent un contenu qui est vraiment pur américain. C'est-à-dire, là, pour le coup, c'est country, folk, rock. C'est une très bonne voilà. idée, hein, ce Hello USA, cet album-là, comme ça. C'est tombé sous le sens. Il se rapproche encore un petit peu plus des États-Unis. Et donc, pour moi, il y a vraiment la rencontre, les chansons que Mallory donne à Johnny, l'enregistrement aux États-Unis durant l'été 71. Là, il y a des choses qui sont posées là, à ce moment-là. Ouais. Clairement, ben voilà, les gars, c'est ça que Johnny veut. Et encore une fois, c'est pas pour rien si ces trois chansons qu'on citait tout à l'heure, Joe Laville et moi, Ma main au feu et Hello US USA, démarre l'album de Country Folk Rock. Exactement. Leur rencontre vient d'avoir lieu, donc ils n'ont pas encore conscience de tout ce qu'ils vont accomplir par la suite. Mais en fait, c'est là déjà. Nous, on le sait aujourd'hui. Oui. Quand on voit tous les albums qu'ils feront par la suite, que ça soit à Nashville, même avec Hollywood, en 79, c'est là que ça se passe, quoi. Ça nous a semblé une évidence qu'il fallait qu'on fasse quelque chose autour de ça, quoi. C'est country, folk, rock. Dans tout ce monde autour de moi, es-tu t'en passé déjà à pleurer ou bien à rire? Non, rien ne vaut cette fille-là. J'ai tout le meilleur, son corps et son cœur, son corps et son cœur, son corps et son cœur. J'ai son âme, oui, j'ai son corps et son cœur. détruit avec ses peines. Elle comprend tous mes ennuis sans avoir besoin de dire je t'aime. Son amour c'est du soleil dans la nuit. Ça va bien, ça va mal, elle m'écoute. Elle est toujours là, je le sais. Et si dans son cœur vient bien quelques doutes, sa porte n'est jamais fermée. J'ai tout le meilleur, son corps et son cœur. Son corps et son cœur. J'ai son âme, oui j'ai son corps et son cœur. Elle connaît toutes ses peines. Elle dit les mots qu'il faut, son corps et son cœur. Avec son cœur, c'est Johnny. Johnny en live. On le retrouve en 1963 à Amsterdam, le 31 mars. Tes tendres années, extrait d'album de la semaine également. Du moins tiré d'album de la semaine. Tu me dis que tu m'aimes. Je sais, tu dis vrai. Et pourtant, moi je t'aime, bien plus fort, en secret. Un matin, quand tu partiras, quand tu pleureras, dis-toi bien que tu vivais tes tendres années. Dans tes yeux, la lumière. Et là, oui que pour lui, le c'est tout, la lumière, ça n'est pas infini. De ne voir en lui qu'un espoir, au jour des regrets, dis-toi bien que tu vivais tes tendres années. Peut-être pour toi le premier, j'attendrai afin d'être dans ton cœur le dernier. Je serai dans ton avenir, au loin des souvenirs, pour te faire oublier tes tendres années. Oui, je serai dans ton avenir, loin des souvenirs, pour te faire oublier tes tendres années. Le début février au 31 mars, voire plus, tournée d'hiver parrainée par SLC, ça a eu les copains. En première partie, il y avait Sylvie Vartan, Jean-Jacques Debout et André Aubert. Et la tournée s'achevait par un fabuleux concert à Amsterdam qui était diffusé dans la nuit Canal+, consacré au rocker en 1993. Et apparemment, c'est jusqu'au 9 avril, là, vu qu'on a entendu tout à l'heure le malaise de Johnny qu'il avait fait la veille, donc c'est-à-dire le 8 à Roubaix. Voilà. Et on revient à l'album de la semaine avec un autre titre. Parce que j'ai revu Linda. Hey, hey, down, down, down, down, down, down, down. Hier mes amis amis, tout allait bien. C'en était fait de tous mes chagrins. Mais aujourd'hui, je le sens, rien ne va. Parce que j'ai revu Linda. Mon cœur fait bing, bang, comme un carousel, bing et bang. Et elle était si belle, bing, bang. Wow. Pourquoi faut-il que je l'ai rencontré? Car maintenant je suis fait comme un rat. Parce que j'ai revu Linda. Oh ça y est, quand elle a souri, elle a bouleversé ma vie. C'est fou, l'amour me brûle et mon cœur me bouscule. Hey, hey, dum di da di da di. Hey, hey, dum di da di da di. Hey, hey, dum di da di. Je me sens un peu perdu. Les copains se demandent pourquoi. Parce que j'ai revu Linda. Mon cœur fait bing, bang. Un rythme infernal, bing et bang. Et ça me fait mal, bing, bang. Dum di da di da di hey hey dum di da di da di dum di di dum di di dum dum dum. Johnny et les années 90. Je pense que je suis un chanteur de variété, revu et corrigé par le rock'n'roll, mais je ne suis pas un chanteur de rock'n'roll pur. À regarder en arrière, à voir passer des gens au regard éphémère. J'ai passé tellement de nuits à courir derrière tout, à courir vers ma vie pour ne pas devenir fou, à croiser des destins faits de haine et d'ennui. Larmes versées pour rien au milieu de mes nuits. J'ai peut-être joué ma vie sous de drôles de lumière, mais j'ai toujours pensé que le plus beau reste à faire. Savoir que les autres ne savent pas pour toi. On a tout dit sur moi. Tellement d'heures à me demander pourquoi mes plus belles erreurs étaient toujours pour toi. Je vois bien dans tes yeux, tu es déjà parti, tu ne m'écoutes plus. Je continue ma vie pour exister. De Patrick Bruel pour exister, extrait de l'album Ça ne change pas un homme de 1991. À présent, nous allons revenir à une version originale d'une adaptation pour Johnny. C'est le titre que vous avez écouté déjà tout à l'heure, Taxaisan. Ça sera un duo impossible. Ouais, un duo impossible. Yo 16, on va écouter en anglais, tout en anglais. Et c'est l'un des tubes de Johnny Burnett qui, après avoir gravé les rocks les plus terribles à la tête de son rock'n'roll trio en compagnie de son frère Dorsey et du soliste Paul Burleson, une fille, une carrière pop brillante tout en écrivant des chansons pour d'autres, notamment pour Ricky Nelson. Et il est né en 1934 et se noya en 1964 sur le Clear Lake en Californie quand son petit bateau, pas éclairé, fut percuté par un gros. Et cette chanson, You're 16, qui a été numéro 8 dans les années 60, fut reprise par Ringo Starr en décembre 73. Et c'est la version Johnny Hallyday et Ringo Starr que nous allons écouter en duo impossible sur la musique de la chanson de Ringo Starr. Ça donne ceci, et avec la voix de Johnny Hallyday, datant de 1962. Ooh, you come on like a dream, peaches and cream, lips like strawberry wine. You're 16, you're beautiful, and you're mine. You're 16, you're beautiful, and you're mine. Oh, my, my, my. You're my baby, you're my pet. We fell in love on the night we met. You touched my hand, my heart went pop. Ooh, when we kissed, I could not stop. You walked out of my dream, into my own. You're beautiful, and you're mine. Oh, qu'un truc à vous dire. Au revoir, baba, loubaba, la bim boum. Johnny et les années 2010. On va mal aller. Amsterdam en concert le 31 mars 1963 avec deux titres, Elle est terrible et La bagarre. Rien à peu, celle qui vient. C'est la plus belle de tout le quartier. Et ma plus grande, ça ne peut y parler. Elle a guiche mes amis, même les plus durs. Quand t'as pour elle, t'as pas l'impression d'exister. Et tout ceci ne m'empêche pas de penser. Cette fille-là, mon vieux, elle est terrible. Cette voiture, on l'a tiré vraiment fait pour moi. Et il dort que vous voulez avec ça. Et la chose que je prends, c'est plus de raison. Je perds subitement l'envie de me la payer. Mais tout ceci ne m'empêche pas de penser. Cette voiture-là, mon vieux, elle est terrible. Qui était aussi extrait de l'album de la semaine, tiré de l'album de la semaine, Les Bras en Croix. Si vous cherchez la bagarre, vous êtes venu à la bonne place. Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Et je n'aime pas beaucoup qu'on me remonte. J'avoue que la bagarre, je ne suis pas contre. J'en fais pas peur. D'accord les gars, ah, je vais vous soigner. Je ne cherche jamais la bagarre, mais je ne la fuis pas. Je l'accepte d'ordre en somme, d'aucune sorte d'homme. Et je suis fait comme toi, de chair et de sang. Me dis-toi, mon ami, que si tu fais partie vraiment de ceux qui en veulent, cache de ne pas être seul. Ouais. Alors méfie-toi, ne tourne pas autour de moi. Mess Around With Me, c'est une la version de La Bagarre avec une version alternative en live avec la traduction des paroles de la chanson The Trouble d'Elvis Presley. Et nous revenons à l'album de la semaine qui est Les Bras en Croix, sorti le 25 avril 1963. Et depuis quelques mois, car la carrière de John Hallyday se compte encore en mois, deux fameuses plumes ont rejoint le staff Hallyday animé par Lee et supervisé par, Lee Hallyday je veux dire, hein, et supervisé par Johnny Stark. Ce sont deux trentenaires, des vieillards dotés d'une plume en or, George Abert et Ralph Burnett. Ils ont compris le truc. Ils ont pigé que ce n'est pas pour Johnny qu'il fallait qu'ils écrivent, mais pour les teenagers. Ce n'est pas à eux qu'ils parlent. Quand ils parlent, c'est d'eux. Ils sont leur porte-voix. Ils sont leur nouvelle vague. Ils illustrent leurs 400 coups, leurs coups du cœur à bout de souffle. Et leurs journaux intimes se retrouvent dévoilés. C'est toutes les hormones des teenagers que dissèquent les professeurs Abert et Burnett. Et la prochaine chanson que nous allons écouter, ça sera Quitte-moi doucement, qui, elle, est une adaptation de Ralph Burnett. Et on a écouté plusieurs titres adaptés par Georges Haber, comme Chance, comme Quand un amour vous possède, Parce que j'ai revu Linda. Voilà, voilà ce qu'on va retrouver. Voici d'ici quelques secondes, Quitte-moi doucement, car nous allons retrouver Johnny Hallyday et Sylvie Vartan en reportage sur la télévision belge le 25 octobre 1963 à la salle L'Ancienne Belgique à Bruxelles. C'était sous le titre Les fiancés du twist dans l'émission La rampe et les lettres. À l'ancienne Belgique, les fiancés du twist. Merci. D'abord, tu penses à toi, mon amour. J'entends le jour de ton retour. Je reviendrai pour ne plus te quitter. Loin de toi, ma vie est sans joie. Eh bien, Johnny Hallyday, on m'avait dit que vous travailliez beaucoup. Je vous ai vu à l'œuvre cet après-midi pendant la répétition, je veux dire vraiment, ça semble être vrai. Alors, quand vous arrivez dans une nouvelle salle, quels sont les points auxquels vous devez faire le plus attention? Ce sont pourtant les mêmes chansons que vous chantez chaque fois. Oui, mais vous savez, la chanson n'a rien à voir avec la sonorisation. Et comme chaque salle où on chante a une acoustique différente, il faut qu'on regarde et qu'on vérifie le son pour les amplis, parce que quand ça ne marche pas, eh bien on dit dans les journaux qu'on s'en va sur un coup de tête, alors que c'est faux. Mmh. En définitive, vous travaillez combien d'heures par jour? Eh bien, il nous faut à peu près 2 ou 3 heures d'installation chaque jour pour vérifier si le son est bon. Chaque fois que vous arrivez quelque part. Oui. Alors maintenant, ici, une fois que vous êtes installé à l'ancienne Belgique, maintenant c'est fini la répétition. Ah non, tous les jours on va venir faire. Tous les jours, vous recommencez la même préparation? Non, parce qu'il y a des jours où il y a plus de monde, des jours où il y a moins de monde dans la salle, alors il faut agir en conséquence avec les amplis. Je t'aimais bien pourtant, mon ami. Tu as volé la femme de ma vie. Voilà pourquoi d'une balle je t'envoie. Dans la poussière, les bras en croix. Dans la poussière, les bras en croix. Adieu l'ami, tant pis pour toi. Dis-moi, oh, puisque tu pars, dis-le-moi tout doucement. Oh, fais-moi croire encore à l'amour entre nous, oui, juste pour un seul jour. Oh, puisque tu pars, laisse-moi pleurer tout doucement. Et parle-moi, même si tu mens, oh, je te croirai comme avant. Nous avions tout, nous étions tout, oh, le ciel c'était nous vraiment. Oh, si tu reprends en moi l'amour, oh, reprends-le doucement. Oh, oh, oh, dis-moi, dis-moi très lentement, donne-moi le temps de voir, hélas, que j'ai perdu, que j'apprenne ce qu'est la peine, car après toi, mon cœur, le sait-tu. Johnny et les années 60. Ah, allez. Ah, chérie. Si tu voulais rentrer tes gris, ce serait bien. Et quitter ton air agressif, ce serait bien. Années 2010. On a l'impression que tu as vraiment besoin de la chanson de ton métier pour vivre. Bah, tu sais, si je n'ai pas ça, qu'est-ce que j'ai? Ce métier m'aide beaucoup plus à vivre qu'on peut le penser, moralement surtout. Et en 1963, Johnny avait 20 ans. Voici le titre 20 ans. On n'est pas là pour payer les dettes. On a tous connu nos martyrs. On se contente de chaque miette, de chaque seconde, de chaque soupir. Il n'y a pas grand-chose que l'on regrette ou l'on ne veut plus se souvenir. On a bravé tant de tempêtes qu'on ne sait même pas vu grandir. Dis-moi que la vie est encore plus belle quand on n'a plus 20 ans. Et est-ce qu'on peut encore toucher le ciel quand on n'a plus 20 ans? Donne-moi des monts et des merveilles comme si j'avais. Tu as toujours 20 ans. On joue toujours avec les allumettes, avec les flammes, avec le désir. On n'a qu'une envie, qu'une requête, de rire comme si on n'allait jamais mourir. On a passé l'âge d'être bête, pas celui de se faire éblouir. Chaque journée est une conquête qu'il faut abattre d'un sourire. Dis-moi que la vie est encore plus belle quand on n'a plus 20 ans. Et est-ce qu'on peut encore toucher le ciel quand on n'a plus 20 ans? J'avais 20 ans. Est-ce qu'on peut t'appeler mademoiselle

Et n'effacer à jamais mon souvenir de toi. Je te revois et puis tu disparais, et par mes pleurs ton visage est brouillé. C'est mon imagination, car je suis fou d'amour. Comme un mirage, ton image, elle est bien là. Dans mon imagination, je vois. Comme un mirage, ton image, toujours là. Dans mon imagination. Je ne m'y ferai jamais. Y a-t-il un espoir qu'on puisse un jour recommencer? Je te revois et puis tu disparais, et par mes pleurs ton visage est brouillé. C'est mon imagination. C'est mon imagination, car je suis fou d'amour. C'est mon imagination qui me joue à tour. C'est mon imagination qui me joue à tour. Revenons à l'album de la semaine qui est Les Bras en Croix, sorti le 25 avril 1963. Et on n'oubliera pas de dire un mot sur la légendaire photo qui illustre la pochette de cet album. Elle est due à un photographe remarquable, Stan Wainwright. Et pour l'album numéro 4, plus communément appelé Les Bras en Croix, Stan Wainwright se dit que Johnny Hallyday n'est plus jamais aussi charismatique que lors de ses passages en scène. Il reconstitue l'intensité du visage du jeune homme en sculptant ses traits en grand aplats sombre maculé du rouge d'un projecteur qui retrouve la violence d'un éclairage de théâtre. Le résultat est flamboyant. Et pour illustrer cet album-là, on va écouter le dernier extrait de l'album de la semaine, Mashed Potatoes Time. Johnny est prof, et le prof Johnny est de retour et propose, après le twist, une leçon de Mashed Potatoes, danse à la mode, aussi éphémère, si ce n'est plus que le twist. Twist it. une expression américaine en anglais qui dit « Rock and roll is dead », ce qui veut dire « Le rock and roll est mort ». Mais c'est pas vrai. Le rock and roll n'est pas mort pour ceux qui sont rock et qui sont pas morts. Chercheur d'amour ou hors la loi, on veut trouver l'Eldorado, ce coin de cœur auquel on croit, où l'on pourrait vivre en héros. Ce bout de terre au bout du monde, où le soleil pose les bagages, où les sirènes brouillent les ondes, pour qu'on se prenne à leur mirage. Je chercherai chemin, et l'on se bat sur ses décombres comme des soleils jusqu'à la fin. On cherche tous l'Eldorado, un port tranquille, un corps de femme, un morceau d'île posé sur l'eau pour s'abriter du bruit des larmes. Je chercherai le temps qu'il faut, je trouverai. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Et pour terminer cette émission, voici Johnny Hallyday en live à Bercy en 1987. Et ce titre, Pendu à mon cou. Oh, caresse. Parce qu'elle aime ça. Et elle me pardonne tout. Même les pires maladresses. Et d'ailleurs elle s'en fout. Que j'ai une autre maîtresse. Elle est avec moi. Serré dans mes bras, elle me suit partout, dans tous les changements d'adresse. Et quand la vie se coupe, elle redouble de tendresse. Serré contre moi. Mettra dans une caisse, je veux qu'elle me suive et qu'on dorme à la même adresse. Et moi, et qu'on écrive dessus. Oh, ils en ont pas cité lui. Il avait besoin d'elle. Elle ne tenait pas debout. Oui, cette guitare-là. Cette émission, la 566e émission Johnny de A à Z avec l'album de la semaine Les Bras en Croix, sorti en 1963. Je vous remercie toutes et tous d'avoir écouté et je vous remercie encore pour votre fidélité à cette émission Johnny de A à Z. Parlez-en autour de vous, c'est tous les mercredis de 22h jusqu'à minuit. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine hein, pour une nouvelle aventure alidéesque, voilà. Et puis dites-vous bien qu'il y aura une émission spéciale Johnny 72 Rock and Folk le 19 mars sur l'antenne de Érigé dans votre émission Johnny de A à Z. Bonne nuit à toutes et à tous, à bientôt, ciao ciao.